Dis-moi pourquoi tu ne me lâches pas. Je te vois de partout, même dans mes rêves. À l'époque je t'aimais, je ne nie pas. Maintenant j'aimerais bien que t'arrêtes. J'entends parler de toi de partout. Évidemment toi tu n'entends rien. T'inquiète, je connais bien ton parcours. Je te connais, moi je sais d'où tu viens. La première fois que je t'ai vu, j'étais dans une cave. C'est vrai que j'étais excité, content de te voir. C'est vrai que j'étais grave, super content de t'avoir. Sans savoir ton histoire, ton côté noir. Puis avec le temps, tu te faisais plus trop rare. Ton nom ressortait que dans les salles d'histoire. Tu traînes dans tous les quartiers, tous les boulevards. T'as fait pleurer des familles. Elle est toujours avec moi quand je dors. Et ça même quand les ennemis m'attendent. C'est vrai qu'elle a tué beaucoup de potes. Mais elle m'a aidé à remonter la bande. La petite Elena vient de l'Est. Elle a pas de cœur, soit elle tue, soit elle baisse. La petite Elena vient de l'Est. Mais celle-là y'a personne qui la baisse. Les jeunes d'ici disent que t'es charmante. Que tu les attires, que t'es canon. Mais c'est que pour tirer leur coup. Pour t'avoir ils ne diraient pas non. T'attires que les voyous, les mecs fous. C'est chaud avec toi ce que les mecs font. À cause de toi maman elle dort plus. C'est chaud, t'as rendu toutes les mères folles. J'aimerais ne plus jamais de ma vie te croiser. Je ne veux même plus mettre de guitare quand je chante. Je sais que t'es folle, que t'as tendance à péter les plombs. Mais je t'en supplie, laisse-les dans la chambre. Laisse-les dans la chambre. Et oublie mes frères, t'as détruit nos rêves. Je sais que t'as saisi. Si on a besoin, t'inquiète, on te fera signe. Mais pour l'instant, retourne chez toi. Retourne en Russie. Elle est toujours avec moi quand je dors. Et ça même quand les ennemis m'attendent. C'est vrai qu'elle a tué beaucoup de potes, mais elle m'a aidé à monter la bande. La petite Elena vient de l'Est, elle a pas de cœur, soit elle tue, soit elle baisse. La petite Elena vient de l'Est, mais celle-là y'a personne qui la baisse. Elle est toujours avec moi quand je dors, et ça même quand les ennemis m'attendent. C'est vrai qu'elle a tué beaucoup de potes, mais elle m'a aidé à monter la bande. La petite Elena vient de l'Est, elle a pas de cœur, soit elle tue, soit elle baisse. La petite Elena vient de l'Est, mais celle-là y'a personne qui la baisse.